الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتقواه وطاعته، فمن أطاعه رشد واهتدى، ومن خالف أمره ضل وغوى. قال الله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها المسلمون، نسمع بين الحين والآخر بانتشار أمراض وأوبئة، أمراض تتجدد وتنتشر بعد أن كانت في أضيق نطاق، وأمراض جديدة لا تعرف في أسلافنا من الأمم. فعلينا أن نتعظ ونرجع إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، يعني الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما وحسنه الألباني. يجب على المسلم أن يعلم أن الأمراض والأوبئة مسخرة مدبرة بأمر الله سبحانه، لا تخرج عن ملكه وقوته وجبروته وسلطانه وإرادته. وعلى العبد إذا رأى مصابا أن يدعو بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وإذا علم العبد أن الأمر كله بيد الله، وجب عليه أن يلتجئ إليه ويتوكل عليه ويسأله تعالى العفو والعافية. قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. واعلموا عباد الله أنه لا يجوز التساهل في نشر الإشاعات في مثل هذه الأحوال فيزداد الناس خوفا الى خوفهم ويجب ارجاع الامور الى اهل الاختصاص والى اولي الامر. قال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. حافظوا عباد الله على اذكار الصباح والمساء، فهي من اعظم اسباب حفظ العبد من الشياطين والشرور والامراض. واكثروا من سؤال الله تعالى العافيه. ومن الادعيه التي كان يقولها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة من الأمراض: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، serviteur d'Allah, certes Allah a créé les créatures pour son adoration et il leur a ordonné la piété et l'obéissance. Celui qui obéit à son Seigneur sera guidé dans sa science, sa connaissance, et il sera guidé dans sa pratique. Et quiconque va à l'encontre de cet ordre, contredit cet ordre, désobéit à l'ordre divin, il sera égaré, que ce soit dans le domaine de la connaissance ou dans le domaine de la pratique. Allah, exalté soit-il, glorifié soit-il et élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset: et quiconque suivra mon guide, la guidée révélée par Allah Azza wa Jal, alors celui-là ne sera point égaré. Et celui qui se détourne de mon rappel, alors il aura une vie dans ce bas monde, une vie pleine de gêne, pleine de mal. Serviteur d'Allah, nous entendons de temps à autre, dans toutes les époques, à des moments précis, la propagation de certaines maladies, des épidémies, des pandémies, des maladies qui reviennent à nouveau après qu'on ait cru qu'on les avait éradiquées, et des maladies qu'on ne connaît pas et que nos ancêtres ne connaissaient pas, n'existaient pas à leur époque. Alors, lorsque viennent ces moments-là, nous devons de faire preuve de retour et de repentir à Allah Azza wa Jal. Nous devons profiter des exhortations du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner à lui et se repentir à lui d'un repentir sincère. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, il était avec les muhajirins, les premiers musulmans, les émigrés, les musulmans de la Mecque, et il leur a dit: ô vous les émigrés, les muhajirins, il y a 5 choses, lorsqu'elles vont apparaître, lorsque vous allez être éprouvés par ces choses-là, et j'invoque Allah, je demande à Allah de vous protéger de ne pas connaître ces jours-là, de ne pas être là à ce moment-là. Jamais la fornication, l'adultère, le dévergondage, le libertinage, tout ce mal qui tourne autour de la fornication et de la fornication, jamais ces choses-là n'apparaissent dans un peuple jusqu'à qu'il le rende public. Lorsque c'est caché, ce n'est pas voyant. Ça, il n'y a pas une société qui peut être épargnée de cela. Il y aura de temps en temps des péchés qui seront commis. Et Allah nous a créé une créature, qui est l'être humain, qui commet des péchés. Mais lorsque ça atteint un stade où ça devient public, tout le monde le voit, c'est accompli, commis au grand jour. Lorsque cela apparaît, alors Allah lance sur ces gens-là, fait descendre sur eux les maladies, les épidémies, comme la peste et d'autres maladies dont leurs ancêtres ne connaissaient pas. Le hadith rapporté par Ibn Majah, d'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, est rendu bon par l'Albani. Il incombe à tout musulman de savoir et de connaître que toute maladie, toute épidémie font partie de l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne sortent pas de la royauté et de la puissance et de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous est demandé dans notre religion, lorsqu'on voit une personne éprouvée, une personne touchée par un mal, par un handicap, par une maladie, de faire la dua qui nous a été enseignée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit, lorsque l'un d'entre vous voit, vient rencontrer une personne éprouvée, alors qu'il dit ce dua, Alhamdulillah, alladhi afani mimman talaka bih, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. La louange appartient à Allah qui m'a préservé de ce qu'il t'a éprouvé et qui m'a préféré à beaucoup parmi ses créatures. Celui qui fait ce dua ne sera pas touché par ce mal. Le hadith rapporté par At-Tirmidhi est rendu bon par l'Albani. Et lorsque le serviteur sait, en a pleine conscience, que tout dépend de l'ordre d'Allah, tout appartient à Allah, tout est entre les mains d'Allah, Azza wa Jal, il se doit de s'en remettre à Allah seul, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Il ne recherche refuge qu'auprès de lui et il lui demande la paix, il lui demande l'apaisement, il lui demande la bonne santé. Allah dit, élevé soit-il, dans le sens du verset, dit, qui peut vous protéger d'Allah si Allah a décidé, si Allah a voulu vous toucher par un mal ou alors vous accorder une miséricorde. Sachez aux serviteurs d'Allah qu'il n'est pas permis de prendre à la légère la propagation, la diffusion, de participer à la transmission des rumeurs, toutes les infos qui tournent ici et là, surtout avec les réseaux sociaux. Évitez cela. En tout moment, cela est demandé, encore plus lors de ces soucis qui font que les gens ont une crainte, ont une peur, et la personne qui agit ainsi ne fait qu'accroître et augmenter cette peur. Il va causer du mal chez les gens. Alors que normalement, lorsqu'une personne a une info quelconque, ou quoi que ce soit à diffuser, en premier lieu, il se doit de remettre cela aux gens qui sont spécialisés dans le domaine, aux gens qui sont les plus compétents dans le domaine, et aussi aux autorités. Allah nous dit dans le sens du verset, et lorsque une nouvelle, une information alarmante, que ce soit une mauvaise ou une bonne information, qu'est-ce qu'ils font? Ils la diffusent. Alors que s'ils l'avaient retournée aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux qui en ont la connaissance, ceux qui savent extraire ce qui est voulu par ces informations, l'auraient su. Et si ce n'était le bienfait d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous aurez suivi le diable, sauf une fine partie parmi vous. Soyez constants dans le dhikr, le rappel d'Allah, le dhikr qui est connu, le dhikr du matin et du soir. Le matin qui commence après le fajr et du soir qui commence après l'asr. Les adhkar enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du matin et du soir, on se doit de les accomplir. Ça nous préserve, ça nous protège de beaucoup de mal. C'est parmi les plus grandes causes pour être préservé des démons et des diables, de toute forme de mal et de toute maladie. De même, demander souvent, abondamment à Allah tabaraka wa ta'ala, al-afiya, qui est l'apaisement, qui est la tranquillité, qui est la paix et qui est la bonne santé. Et parmi les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire pour se prémunir, pour demander à Allah la protection contre les maladies, c'était cette du'a, Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-juthami wa min sayyi al-asqam. Le hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i et authentifié par l'Albani. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre la dépigmentation, la folie, la lèpre et les mauvaises maladies. اللهم ارتنا الى دينك هذا الجميل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وفقنا اللهم المدحوب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قبلت الصلاة.